Cree, votre esperit cool entre les nivius, votre esperit cool au-delà de l'habituel, votre esperit cool dans le passé, dans le présent et ce qui va arriver. Pensez votre conscience, consent votre pensée. Crie en rétroactif d'abord et place l'image dans la matière de votre yeux. Cultivez votre force intérieure, cultivez votre foi en vous-même, cultivez votre foi en vos symboles, cultivez votre foi en la connaissance. Au-delà du discours, au-delà du parlement, le ton, la volonté, le béton. Votre esprit coule entre les nivius. Votre esprit coule au-delà de l'habituel. Votre esprit coule dans les fonds et dans les formes pour former ce qui se reflète dans les fonds et dans les réflexions. Votre esprit coule dans le passé, dans le présent et ce qui va arriver. Imaginez avec vous pente. Imaginez avec vous connaissance. Imaginez que tout évolue. Imaginez le souffle de votre foi. Le temps avance en parallèle, oxydant et renouvelant. Le temps avance en parallèle, affinant l'immature et formant les textures et le cerveau de l'expérience avec la qualité. Pensez votre conscience, consent votre pensée. Crie en rétroactif d'abord en place l'image dans la matière avec votre yeux, au-delà du discours, au-delà du parlement, le ton, la volonté, le béton. Jules César.